mot culture a un sens. Il est ce qui répond au visage qu'a dans la glace un être humain quand il y regarde ce qui sera son visage de mort. La culture, c'est ce qui répond à l'homme qui se demande ce qu'il fait sur la terre. Et pour le reste, mieux vaut en parler à d'autres moments. Il y a aussi les enfants. Les civilisations modernes, c'est-à-dire dans toutes les civilisations nées de la machine, l'homme se trouve aujourd'hui en face du plus grave conflit de son histoire. Right.